Maman Guéa chante Samuel est ton fils, ballon d'or africain, l'espoir de tout ton peuple. Maman Guéa chante, on t'écoute. Une dédicace au plaisir d'un footballeur. Débordement.